Mickey. Je mange tôt comme les Hakeys, je glisse comme Mosquée, au top comme Cherokee. Lève tôt comme les Frostes, l'aile mange pas de GS, toujours le fil au fétiche, au McDo, bitches. Je contrôle mon PS, même en période de crise. La lame, j'ai KS, le terre-terre, je maîtrise. Moi je fais pas la PS, je pèse le champ PS, je te le dis en tout franché S. Ton flow il pue la PS, je t'effonce comme une paire KS. Tes keufs dans ta DS, t'as trouvé ton robe, faut que je te dise que t'es mon PS. Je me tape jamais la PS, ma tête est mise à prier. Je m'en fais H, le rap français sur moi a mis une PS. Passé créé, Molotov 4, G8, c'est le Zin, travail à Pékin. Arrache comme le charras, je m'en prends la raas. Quand je kick, tu naas, je sais pas, c'est comme aas. La classe qui te casse, ma voix t'es raas. Grouille, ça tracas, c'est la as, des aas. Putain, t'es naas, traas. Je rêve d'avoir la as, au bas à ma as. Pour l'instant, je ramasse, des billets, j'ai de la casse. Tu connais mon place, à la base, je sais pas pourquoi tu casses. Chut, on te casse, t'as peur de me faire pas. Comme une yaas, je suis solidaire, mais mon chien, on galère de whisky. Et la as, je veux pas ta bouche pour sucer ma classe. Putain as, vas-y fais, sois un beat qui t'écrasse. Je te déclasse, c'est ma deuxième classe. Je désosse ton flow, aïe t'es bon pour la casse. La nocturne. Carbure, Rimmel, Seine-Saint-Denis, Vianney, Sonneuf, 3 scènes barrières. Tu parles, tu chasses, tu m'as trahi. Tout était déjà dans le scénario. Rentrez nous les restats du film. On se fait pincer, on se fait rincer. Je suis en indé, dans la musique et dans la C. Je suis en ancien. Dis-moi où tu peux changer de la frappe. Je côtoie des cassos, des malfrats. Calibre et ganté sur un dé. On t'a raté, bah on repassera. Parole de Bilka, on t'effacera. Litron de platine, push tu Steffi. Hélicoptère, bâtard, Qatar, notaire, paftard, Gucci baby. Je les paye fâche, j'encaisse content. Tous les pourcentages et mon temps. Blancock, c'est pas Breaking Bad, Eisenberg. On l'aurait barbé depuis longtemps. Pas investir, gagner de l'argent. Bah on te l'annonce et on te la met. Évidemment, ça finit mal. Sinon ça finirait jamais. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho. Moi je te dirais si c'est de la calée. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho. Moi je te dirais si c'est de la calée. Eh ma calée, on fait de la malle. Eh mon pote, on fait de la malle. Eh mon pote, on fait de la malle. Eh mon pote, on fait de la malle. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho. Moi je te dirais si c'est de la calée. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho. Moi je te dirais si c'est de la calée. Eh ma calée, on fait de la malle. Eh mon pote, on fait de la malle. Eh mon pote, on fait de la malle. Eh mon pote, on fait de la malle. 22 alerte le beau sur la caripice. La caripice. Comme Franklin c'est que trop sous la carapace. Sous la carapace. Ah. Dis-moi où tu pêches au coup d'œil si c'est carapace. Repère pas que pour la Z comme carapuce. C'est qu'il en faut pas plus pour que le harapa. Tu veux du gros son, écoute mes rapports. Partout où je suis c'est hallucinant. T'as pas vu la sacoche que mon rapporte. Prêt à faire des séries comme halluciné. Et c'est hardcore quand on s'y met. Ils veulent me voir autant que c'est pas faux s'y met. Big up si toi aussi tu marches sur des postes tous les 6 mètres. Mauvais tempérament, bête tu jacques, elle ton père à toi. Elle ton père à toi. Cette image trop chaud, vas-y clique sur le son, gros saut ton père à droit. 22, 22, ça met en pète à 3. Pour se retrouver à boîte à 13. Ouais c'est pas ta nous en pète à croix. Qu'on refourque devant le boîte à 13. Dis-moi où tu pécho, moi je te dirais si c'est de la calée. Dis-moi où tu pécho, dis-moi où tu pécho. Moi je te dirais si c'est de la calée. Eh ma calée, on fait de la main.

carrés. Rentre dans ta montagne. ATK, c'est 7 billets, impossible à plier. Qui déchaîne plus les foules que la secte du Templier. Tous liés ensemble, comme les 7 angles de l'heptagone. Faut que notre album sorte et soit numéro 1 dans l'hexagone. Même voir plus loin, là où notre voix pourra nous porter. Le monde est à notre portée, faut qu'on se fasse porter. Mais je suis là pour faire bouger la foule, donc je veux t'entendre crier. ATK, au heptagone, on met des seufs, ne fais pas prier. Le rouge, elle passe là où on voulait. C'est une scie, un poids super. Une plume, on tombe en une heure. Toute une heure, cette carrière des gainers. Bouger ma gueule, le mec, la grille de mieux. Grandes oreilles, typé, très vrai gueuleur. Sur un micro, un peu vénère. Mais dans la vie, gars cool. Pas de cagoule, un visage découvert. J'agis, génère, mon énergie. Pour du concret, c'est là, les gars du là. Masque de l'avocat, dit t'es fou, l'heptagone. ATK, c'est le pro heptagonal, ouais. Qui pose sa gifle sur l'hexagone, ouais. T'as pas fini d'entendre parler, ah, du clan qui forme l'heptagone. ATK, c'est le pro heptagonal, ouais. Qui pose sa gifle, ah, sur l'hexagone. T'as pas fini d'entendre parler du clan qui forme l'heptagone. Mais pas dans l'interstice, si tu me cites, j'agis comme Kiss Kiss. Immise dans ma tête, la peur l'iris comme un déguise. Qui tourne dans ma cité, comme la meuf dans le parier. Parier que, ma queue la ferait marcher en billet. Un peu comme Hercule, sans prier donne, on lâche les billets. Kiff, kiff, bedo, kiff, kiff, bedo. Comédie king, qui n'est faite, kiff, kiff, l'ego. Attaque à Mike armé, à merde, lâche les cons. Sans comme ça, source l'air, sexe, rime, Rockefeller, Hoax. Plus bon que ça monte à Fox, Los. C'est que j'innove mon rap pour plaire aux maigrelles. Pour qu'ils parlent plus de moi comme si on me traitait de crêle. Pas pour toi, pour heptagone si tu veux me cloner. Comme Dolly Fun, comme Aléry sur toi, comme Aïcha Coné. Trop de crêtes, couteau, vous voulez nous mettre cette bande de cons. Mais bon, on a laissé parler, maintenant regarde. L'album lève des queues. J't'explique, rap c'est jalousie, mensonge, hypocrisie trop large. J't'explique, rap c'est pas fraternité. Toujours sous des dommages, trop de marge en plus, on jante des conflits. On regarde plus les biceps gonflés. La formule c'est gun, fusil à pomper dans un coin, t'as fait tromper. Nous c'est ATK, c'est bien qu'on les laisse à tes cons pour tes mots. Pas de Tommy dans nos textes, faut qu'on ait une réputation pro. Mon rap dur comme Arco Rock et rap de l'Est. Passe plus de courroux, teste plus de 6 de l'heptagone. Arson les passes pourries de l'hexagone, j'ai pleuré mon fouet. Formé par l'heptagone, qu'est-ce que tu croyais? Je reste fidèle à la plaque, les blocs pas, et grâce des blagues, on dit que d'autres me plaquent. Faire à la foutre un jour, tu verras que l'heptagone flotte. Les gars flippent, garde on trouve pas de bloc. Le nègre habillé bishop, le black shit reste universel en verset. Qu'un peu que mon rap est universel. ATK, c'est le gros heptagonal qui pose sa gueule sur l'hexagone. T'as pas fini d'entendre parler, ouais, du clan qui forme l'heptagone. ATK, c'est le gros heptagonal qui pose sa gueule sur l'hexagone. T'as pas fini d'entendre parler du clan qui forme l'heptagone. Yo, heptagone. Max de base, l'apocalypse, les gars du laps, tac, tu formes l'heptagone. Forme l'heptagone. Planète Rap, la nocturne. Plus d'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Les pauvres petits smicards, y'a de quoi s'alarmer. Les brins quoi m'armer. Tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Les promesses y'a pas à dire, on a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Les beaux monuments à 100 bars, nous on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils sont fous. Comme tout citoyen, censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté, ouais. C'est impossible, ouais. Je vois des frères menottés. Au déboire à Bénon, c'est pas une nouveauté, ouais. À la suite, je félicite les gros bonnets d'illicite. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville. Si tu veux, si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville. Si tu veux, si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est quand tu veux. En HLM les uns sur les autres, et les superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage? On vit en marge, on roule les tous barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu payes pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val de Marne, pourcentage d'immigration aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, pour plein de Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais eu de chance, les circonstances font qu'à pénitence. T'as pas réglé tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été, des TIG. Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations. Ouais mec, ouais mec, c'est ça notre vie. Code 94-400 Vitry. Vitry. Maman lui a ses qualités et ses défauts. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux. Gros, tous vitriaux, vitriaux. Même si c'est pas tous les jours facile, je veux être le prince de ma ville. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville. Si tu veux, si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Ambitieux, parfois enfant vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Pour les flèches, 200% crevard, trop puissant, malin et rusé. Lève ton majeur bien haut si tu me sens venir. Samir elle a graillé, elle court, risque de partir. C'est pour les meufs accompagnées, les charmantes, les stylées, épilées, qui ziotent vers notre côté. Je manifeste la famille pour se l'attache. Pour les mecs de ma rue, tous ces grands à la tâche. C'est pour les gens voyageurs, les gros barjols, les rageux, qui roulent en PM à l'ancienne avec les phares jaunes. Kiro, on t'a sous plus de temps de sanglier. Pour un physique qui peut te faire valser un sanglier. À ceux qui aiment, ceux qui te sont, qui te sont, vous trembler. Ceux qui te feront jusqu'à temps les trembler, les gros timbrés. Sans une semaine, personne ne s'animera fort comme qu'elle. On s'en vivra malgré l'air qu'on assimile à leur ville. Comme la Iria au Brésil, le Ria et le Sense Emilia. A ceux qui seront toujours là pour leur familia. A ceux qui kiffent la veuve, je te parle pas du milliard. Sans ça, votre nom